Alors que l'hésitation vaccinale vient de rejoindre les 10 menaces mondiales pour la santé identifiées par l'Organisation mondiale de la santé, l'UNICEF alertait début mars sur la recrudescence préoccupante de la rougeole dans le monde. Pourtant, et c'est un fait depuis les années 1960, il existe un vaccin contre cette maladie. Depuis l'invention de la vaccine par Edward Jenner à la fin du XVIIIe siècle jusqu'à nos jours, l'ombre du doute anti-vaccinal plane de façon constante sur la santé publique et sur les campagnes de vaccination. L'efficacité des vaccins étant désormais testée et prouvée, pourquoi le militantisme anti-vaccin a-t-il encore et toujours la peau dure ? Anti-vaccin à l'origine du doute, c'est l'histoire épineuse que nous allons retracer aujourd'hui. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour comprendre l'évolution du militantisme anti-vaccinal, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Françoise Salvadori. Bonjour. Bonjour. Vous êtes maître de conférence en immunologie à l'Université de Bourgogne et Laurent-Henri Vigneault. Bonjour. Bonjour. Vous êtes historien des sciences et maître de conférence en histoire à l'Université de Bourgogne également. Je rappelle à nos auditeurs que vous pouvez nous écouter comme tous les jours sur votre poste de radio, mais aussi sur franceculture.fr ou bien sur votre application de podcast. Et pour consulter nos sources et informations utiles, vous pouvez nous suivre en direct sur notre compte Twitter. Hâte la méthode FC. Alors, François Salvadori, Laurent Rivigno, vous venez tous les deux de faire paraître un livre passionnant intitulé Antivax, la résistance au vaccin du XVIIIe siècle à nos jours aux éditions Vendémiaire. Avant de nous atteler au cœur de notre sujet, à savoir l'évolution du discours anti-vaccin depuis le XVIIIe siècle, j'aimerais comprendre le point de départ de ce livre. Quand et comment est-ce que vous avez eu cette idée, François Salvadori ? Notre rencontre date d'il y a quelques années, 4 ans peut-être à peu près, autour de Pasteur, paradoxalement peut-être, puisque nous avons étudié ensemble un dépôt d'archives encore inédit à l'époque, qui concentrait des cahiers de traduction de Pasteur, et en particulier, en marge de ces cahiers, nous avons trouvé de nombreux articles de presse qu'il avait collectionnés et dans lesquels il remarquait bien et il attaquait finalement de cette façon-là ses opposants, qui étaient nombreux. Laurent Rivigno, comment vous qualifiez ce travail de croisement entre vos deux disciplines, puisque vous êtes historien et vous immunologiste, François Salvadori, alors comment vous qualifieriez ce travail-là ? À partir de l'examen de ce fonds Pasteur, on s'est demandé quel livre, quelle synthèse nous permettrait de connaître un peu l'état justement de l'antivaccinisme à l'époque de Pasteur. Et on s'est aperçu qu'il n'y avait pas grand-chose. Enfin, il y avait des articles isolés, mais il n'y avait pas de livre de synthèse, d'où l'idée de faire ce livre ensemble. Donc la collaboration, elle était d'évidence à partir du moment où on avait travaillé déjà ensemble sur le projet Pasteur. Et puis ça nous paraissait important d'avoir un regard croisé entre l'historien et sur un sujet aussi sensible, de s'assurer d'avoir une bonne qualité des informations scientifiques et de pouvoir traiter aussi la question contemporaine. Alors si on fait un peu d'histoire, on va en faire tout au long de cette heure, les vaccins ont vraiment pris leur essor au 19e siècle, mais les prémices de la vaccinophobie sont en fait à faire remonter à la fin du 18e siècle, avant même l'invention de la vaccination, à l'époque où on parle de l'inoculation de la variole. Alors François Salvadori, qu'est-ce que c'est que l'inoculation ? D'où vient cette pratique ? Et qui l'a importée en Europe à la fin du 18e siècle ? L'ancêtre de tout cela, en effet, c'est la variolisation, également appelée l'inoculation, qui est finalement tout simplement l'insertion sous la peau d'un peu de pus récolté sur un individu varioleux. Donc cette pratique empirique reposait sur l'observation sans doute ancienne qu'on avait une seule fois la variole dans sa vie, et que si on pouvait l'inoculer sous une forme différente de la voie normale, ce serait peut-être moins grave. Alors, qui est-ce qui a importé cette pratique-là en Angleterre ? L'importation vient de Lady Montagu, c'est très bien documenté. C'était l'épouse de l'ambassadeur d'Angleterre auprès de Constantinople. Et donc, cette dame a été absolument émerveillée par les pratiques de certaines matrones, dites matrones à l'époque, qui faisaient cette insertion de pus et qui protégeaient apparemment. À tel point qu'elle a osé le faire sur son propre fils, puis chez sa fille, en Angleterre, l'année suivante, à Londres. Alors, Laurent Rivigno, 1723. Oui, en 1723. Laurent Rivigno, dès l'importation de cette pratique de l'inoculation, il y a déjà beaucoup de réactions. Quelles sont-elles, ces réactions à l'inoculation ? Bien, d'abord, la médecine ne sait pas expliquer pourquoi ça marche. Ça, c'est un point important sur lequel je pense on reviendra. L'immunologie n'existe pas encore. Voilà, l'immunologie n'existe pas. C'est une pure méthode pratique. Or, cette méthode pratique, elle a beaucoup de défauts aux yeux de ses adversaires. Hein. Elle est introduite par une femme. Donc certains disent qu'il s'agit de remèdes de bonne femme, de médecins femelles, enfin tous les adjectifs hostiles et phallocratiques finalement sont de sortie. C'est aussi une médecine exotique puisqu'elle vient justement de l'Empire ottoman. Donc à partir de là, elle est considérée comme quelque chose de vraiment étrange. Et certains, par exemple, puisqu'à l'époque on adopte encore certaines doctrines qu'on appelle les théories des climats, hein, qui sont intégrées au savoir médical, certaines personnes disent que cette pratique marche peut-être en Asie mineure, mais qu'elle ne marchera pas sous un climat tempéré. Voilà le genre d'argument. Donc toutes les réactions finalement sont pas du tout des réactions scientifiques. Ça se base pas sur des arguments scientifiques, c'est plus des arguments moraux. On les traite de libertins, de mondains. Alors il y a ça en plus. Là, ce dont je vous parlais, la théorie des climats, c'est une théorie que nous aujourd'hui nous ne regarderions plus comme scientifique, mais qui à l'époque est tout à fait intégrée à ce qu'on appelle la médecine des humeurs. Hein. Donc ça fait partie, c'est un des aspects. Le climat justement peut perturber cet équilibre des humeurs, donc c'est la médecine hippocratique. En revanche, en effet, il y a aussi un autre discours qui est un discours moral, il y a un discours théologique aussi. On ne peut pas aller contre le destin divin, donc si Dieu veut que vous soyez malade, ben on peut pas chercher à échapper à ce destin. Et puis également, alors ça c'est dû à la pratique, c'est que quand on inocule on autorise les personnes inoculées à avoir pendant la période d'incubation, notamment pour les femmes, un mode de vie un peu plus relâché que ce qu'elles sont autorisées à faire d'habitude, c'est-à-dire par exemple de porter des robes sans corset, de ne pas aller à la messe parce qu'il y a un danger de contamination, et donc les adversaires les plus rigoureux d'un point de vue religieux disent que finalement l'inoculation, qui est soutenue par les philosophes, hein, il y a une lettre philosophique célèbre, la onzième lettre de Voltaire, qui soutient la pratique, qui fait l'éloge de Lady Montagu. Oui, il la qualifie, il dit c'est une des femmes d'Angleterre qui a le plus d'esprit et le plus de force dans l'esprit. Voilà, et donc ça c'est défendre une femme contre les médecins finalement, ou une partie du corps médical. Ça rend fou furieux une partie aussi des théologiens qui voient ça d'un très mauvais œil. François Salvadori, est-ce qu'on voit déjà là, en germe, si je puis dire, le discours anti-vaccin qui viendra ensuite, plus tard, au XIXe siècle ? Oui, les arguments religieux sont là, même si au XIXe siècle, ils sont encore très présents. Actuellement, un peu moins, mais on pourra en reparler. L'argument religieux s'est déplacé vers la sacralisation de la nature, et finalement, c'est à peu près le même type d'argument. Alors, si on poursuit cette histoire, on rencontre un autre personnage déterminant dans l'histoire de la vaccination. J'en parlais dans l'introduction de cette émission. Il s'agit de Edward Jenner. Alors, qui est cet homme par lequel arrive la vaccine, et en quoi la méthode qu'il développe se distingue de l'inoculation? Jenner est un médecin de campagne anglais que rien ne distinguait jusqu'à ce qu'il fasse cette observation que d'autres ont peut-être faite aussi, que les jeunes laitières qui traillaient les vaches contractaient souvent une maladie qui ressemblait beaucoup à la variole, qui s'appelle la vaccine finalement, qui vient des vaches. Maladie bénigne chez l'homme, mais ces laitières ayant contracté la vaccine n'avaient jamais la variole. Donc il fait le même type de constat, mais il se dit que finalement, comme la maladie est moins grave, on va pouvoir faire la même chose, mais en prenant moins de risques. Quand on dit qu'il fait la même chose, quelle est cette pratique ? Alors la pratique, finalement, ça va consister à prendre du pus, non plus de varioleux, mais de vaccine. Donc soit sur la vache, à ce moment-là, le premier vacciné va recevoir du matériel lymphatique purulent, si vous voulez, enfin venant de la vache directement. Et ensuite, on va faire plutôt une pratique de bras à bras, donc d'un homme vacciné à un deuxième homme, enfant, femme vaccinée. Laurent Rivignaud, il y a quelque chose de très étonnant, c'est que lorsque le vaccin de Jenner arrive, ceux qui s'y opposent ne sont pas les mêmes qui s'opposaient à l'inoculation, ou en tout cas pas tous les mêmes, mais bien les partisans de l'inoculation eux-mêmes. Alors comment on explique cette sorte de paradoxe ? Alors c'est très paradoxal, encore une fois, de notre point de vue, parce qu'on se dit que vraiment cette vaccine, elle a tous les avantages. D'abord, une chose qui rendait l'inoculation très contesté, c'était le fait que quand on était inoculé, on était contagieux. Donc vous pouviez donner la variole à votre voisin, à un membre de votre famille. Alors ce n'est pas le cas avec la vaccine, puisque la vaccine n'est pas contagieuse d'homme à homme. Et d'autre part, les cas de complications après vaccine sont beaucoup, beaucoup plus rares que ceux qui pouvaient intervenir dans le cas de l'inoculation variolique. Donc de notre point de vue, moi j'avoue, quand j'ai rédigé, puisque c'est moi qui rédigeais ce chapitre-là, je ne m'attendais pas à voir les premiers anti-vaccins être des fanatiques de l'inoculation. Alors, dans leur logique, C'est la différence entre ce qui vient de l'homme, ce qui vient et ce qui vient de la bête. Hein. C'est-à-dire que là, dans cette interprétation paramédicale ou parascientifique qui est la théorie des humeurs, on peut habituer l'homme à se prémunir contre la variole par du pus humain. Mais dès lors qu'on introduit une humeur animale dans le corps humain, on l'empoisonne. Voilà, donc c'est ça la différence. Alors après, certains partisans de la vaccine disent que les inoculateurs qui refusent de passer à la pratique vaccinale sont simplement des gens qui veulent abandonner, enfin qui veulent pas abandonner un business en fait. Hein, voilà, mais en dehors de ce discours, il y a cette idée que dans un cas on aide le corps humain à se défendre lui-même, et dans l'autre cas, on introduit une humeur animale potentiellement dangereuse. Et François Salvadori, ça donne lieu même à une sorte de mythification. On accuse les vaccinateurs de vouloir minotauriser les êtres humains. Alors, il y a toute une série de mythes qui apparaît comme ça. Alors oui, on ne sait pas si vraiment les gens pensaient qu'ils allaient être transformés en vaches, mais de nombreuses caricatures de l'époque montrent ce thème-là. Donc on voit des petites vaches qui poussent sur les bras, on voit aussi une énorme vache qui recrache des petits enfants vaccinés. Donc c'est tout un imaginaire qui en fait est largement symbolique sans doute, dû à cette miscibilité, cette non-miscibilité imaginable entre le matériel animal et le matériel humain. Comme c'est au moment aussi où on se demande quels sont les liens de l'homme avec les animaux, plutôt la descendance animale de l'homme, ça fait particulièrement résonance à cette époque. Alors quels sont les arguments clés qui se mettent en place à partir de ce moment-là, de la vaccination, et qu'on retrouve ensuite dans toute l'histoire de l'anti-vaccinisme ? Les arguments contre ? Contre la vaccination. Donc l'empoisonnement, on peut dire que c'est le début du mythe de l'empoisonnement, parce que ce mythe, on va le retrouver toujours, soit par maintenant, c'est le par exemple l'adjuvant, c'est par exemple tel conservateur, mais ce poison, il est différent d'un pays à l'autre, etc. Bon, ça, on va en reparler, mais à ce moment-là, c'était le matériel animal en lui-même qui était le poison. Alors, ensuite, comme s'est répandu la pratique de bras à bras, ce qui était malheureusement aussi répandu, en même temps que la vaccine, c'était les maladies conjointes. Mmh. C'est-à-dire qu'on sait que ça a été une grande pourvoyeuse de syphilis, cette pratique. Comment ça se fait ? Eh bien parce que, ne sachant pas comment se transmettaient les maladies, qu'un sang était potentiellement contaminé, la peau également, quand on prenait chez quelqu'un pour immuniser quelqu'un d'autre, on prenait aussi tout ce qui l'hébergeait, y compris, particulier la syphilis. Oui, parce qu'on le rappelle, à l'époque, l'immunologie n'existe pas, on ne connaît pas les microbes, il faut attendre 1870 avec Pasteur pour avoir cette connaissance-là. Ni l'origine des maladies infectieuses. Voilà, donc ça laisse la place à pas mal d'accusations. La pratique vaccinale, à cette époque-là, elle est vraiment empirique en fait. Est-ce que c'est ce qui permet aux anti-vaccinateurs de s'y opposer ? Pendant toute cette période, ils ont vraiment la part belle, parce que là se noue vraiment une alliance qui n'a pas cessé hein, aujourd'hui, qui est une alliance entre, quand on regarde ceux qui sont les anti-vaccins les plus déterminés, on trouve des gens qui ont fait des études de médecine, qui ont des connaissances en biologie, donc qui ont une culture scientifique, comme on dirait aujourd'hui. Et au 19e siècle, vraiment jusqu'à Pasteur, ils ont la part belle, parce qu'en réalité, comme on ne sait pas comment l'organisme s'immunise, comment ça fonctionne, comment une maladie se transmet, ils peuvent développer des théories alternatives autant qu'ils veulent, même si ce ne sont pas forcément celles qui sont acceptées par le corps médical, parce que quand même la plupart des médecins constatent que ça marche. Donc voilà, et puis l'État fait confiance en cette pratique qui a l'air de fonctionner. Mais bon, on cite dans le livre des cas extrêmes, une thèse qu'on appelle la thèse de la détuberculisation, j'ai réussi à le dire, après m'être beaucoup entraîné. Mais qui consiste, en fait, cette idée, c'est qu'il existe dans le corps humain des tubercules, et ces tubercules sont sains, mais dans certains cas, ils peuvent dégénérer. Justement, la variole permet à une vertu épuratoire ou dépuratoire. C'est-à-dire que quand on contracte la variole, on assainit son organisme. Voilà la théorie qui apparaît donc chez Verdet de Lille au milieu du 19e siècle. Donc, il juge criminel de vacciner, puisque dans ce cas-là, on empêche les enfants d'avoir la variole, et donc on empêche de se détuberculiser, et on les soumet, enfin on accroît le risque qu'ils contractent d'autres maladies comme la typhoïde ou le choléra ou la tuberculose. Voilà. Donc, et tout ça disparaît évidemment enfin, au moment où l'immunologie se construit. La méthode scientifique Antoine Beauchamp. À 16h15, vous écoutez La Méthode Scientifique sur France Culture et on retrace aujourd'hui l'histoire des anti-vaccins avec nos invités Françoise Salvadori et Laurent Rivigno qui viennent de publier aux éditions Vendémiaire Antivax, la résistance aux vaccins du XVIIIe siècle à nos jours. Alors Françoise Salvadori, on évoquait le cas de Pasteur, qui est une figure immense. On lui avait consacré une émission dont on va vous mettre le lien sur le fil Twitter. On va pas refaire toute sa biographie du coup. Est-ce que vous pouvez nous rappeler quand même le rôle crucial qu'ont eu ces travaux pour la vaccination et pour l'immunologie en général ? Alors, Pasteur n'est pas un immunologiste, ce serait vraiment... Ce serait mentir. C'est un chimiste, c'est un physicien, même à l'origine. Donc, ses premiers travaux en biologie concernent quand même les moisissures, la théorie des germes, puis la pasteurisation. Et en fait, c'est sur ce sujet-là que finalement, il a peut-être le plus fait avancer les choses, avec Koch en Allemagne. Mm-hmm. C'était de grands ennemis, mais c'est les deux quand même qu'il faut garder associés. Dans la suite de ses travaux, il s'est intéressé à la médecine humaine. Et il s'est demandé, c'était apparemment un admirateur de Jenner, il avait son livre sur sa table de chevet, paraît-il, et il a voulu quand même, non pas comprendre, parce que je pense que ça ne l'intéressait pas tant que ça de comprendre comment ça marche, mais d'éviter les maladies. Oui, alors quel est son apport principal avec le cas de ce petit Joseph Meister ? Oui, alors il a fait d'abord des essais sur les animaux, et en particulier une fameuse expérience médiatisée, la première du genre, je pense en France, qui s'appelle l'expérience de Pouilly-le-Fort sur le charbon des moutons, qui a été une réussite absolue. Tous les animaux vaccinés ont été sauvés, tous les animaux vaccinés non vaccinés, contre quelle maladie ? Contre le charbon du mouton, pardon, ont été sauvés, tous ceux qui n'y étaient pas sont morts. Donc, fort de cette expérience, il s'est attaqué d'une certaine façon à une maladie humaine. Donc, la rage était une maladie particulièrement intéressante pour cela, parce qu'il y a un grand temps d'action entre le moment où on est mordu et le moment où on va développer la maladie. En revanche, à partir du moment où la maladie se développe, on meurt à tous les coups. Donc, c'était finalement prendre un risque minimal. Et il a osé le prendre au moment où ce petit garçon, Joseph Meister, est arrivé d'Alsace avec sa mère, risquant de mourir très très rapidement. C'était pas totalement au point. Il avait sauvé des chiens, mais jamais sauvé d'humains. Et il s'est lancé avec l'aide et presque la bénédiction d'un médecin, le docteur Granchet, qui a bien voulu faire le geste. Lui, il l'a pas fait. Et quelle méthode il a appliquée justement pour sauver ce garçon de la rage ? Donc, il a, sans connaître les virus, sans savoir comment la rage finalement, il pouvait pas observer le virus de la rage sous son microscope, mais il pensait son existence. Et donc, il a réussi à faire vieillir, comme il le disait, des moelles épinières de lapin. Et une fois qu'il a considéré qu'elles étaient suffisamment vieillies, elles pouvaient immuniser les chiens, et il a tenté d'immuniser ce petit Meister. Il a réussi en faisant une dizaine d'injections consécutives, de plus en plus virulentes, la dernière étant quasiment aussi virulente que le virus lui-même. Bien sûr. Alors, Laurent Rivigno, c'est une prouesse, visiblement, et on le comprend, mais alors, quelle réaction ça provoque chez les opposants à la vaccination, et pourquoi est-ce que d'un coup, Pasteur devient leur ennemi public numéro un ? Alors, Pasteur est déjà dans le collimateur pour plein de raisons, pour des raisons politiques, pour des raisons, justement, parce qu'il est soutenu par les pouvoirs, parce que aussi ce n'est pas un médecin. Donc, les médecins sont très réticents à l'égard de ses travaux. Il se présente comme un chimiste, aux ordres du gouvernement, etc. Mais il y a aussi le fait que les expériences contre la rage sont très risquées, que dès l'origine, et Françoise vient de le dire, il y a des risques très élevés. La prise de risque est énorme. Énorme. Ouais. Et de fait, il y a des accidents. Et donc on cite plusieurs cas de gens qui, très probablement, sont morts de la rage finalement transmise par le vaccin lui-même. Non, voilà, la rage vaccinale dans les premiers temps. Et ça fait hurler un certain nombre de médecins, parmi lesquels notamment un fameux médecin de l'Académie de médecine, Michel Peter, qui accuse Pasteur de fabriquer en fait la rage, de produire ce qu'il appelle une rage de laboratoire. Et de là vient un thème qu'on retrouve très souvent dans le discours anti-vax aussi, c'est cette idée d'artifice et de c'est la chimère. Hein, voilà, c'est le vaccin crée lui-même un virus. C'est ça. Et le vaccin, enfin comment dire, le micro-organisme fabriqué en laboratoire. Hein, enfin, un vieux fantasme. Voilà. Mais il n'empêche qu'effectivement, dans ces premières époques, il y avait de vrais accidents. Voilà, qui sont... Alors, à la fin du 19e siècle, à l'époque de Pasteur, est-ce qu'on assiste finalement à une sorte de scientisation du discours anti-vaccinal, là où, au début du 19e siècle, les arguments étaient plutôt de l'ordre mystique, religieux ou autre, François Salvadori? Alors oui, puisque la théorie des germes va mettre longtemps à s'imposer. Je suis pas sûre que tout le monde ait vraiment encore compris cette théorie, puisqu'on trouve des théories alternatives encore actuellement sur Internet. À ce moment-là, étaient plusieurs théories en parallèle. La théorie panspermiste, qui pensait qu'il y avait des germes absolument partout et que finalement c'est le terrain qui faisait la maladie. Et puis une autre, qui peut-être était plus minoritaire mais qui persiste actuellement, qui est la théorie des microzymes, qui était défendue par un certain Béchamp, ennemi de Pasteur, qui pensait que finalement le mal venait de l'intérieur. Une transformation de nos cellules en petites microparticules, microzymes, qui étaient à l'origine de maladies. Laurent Rivignaud, est-ce que, on évoquait tout à l'heure la prise de risque par Pasteur, est-ce qu'il y a aussi un argument éthique qui rentre en ligne de compte dans le discours anti-vaccinal à la fin du 19e siècle ? Alors ça, c'est compliqué parce que cet argument éthique, si on veut, il a toujours existé et c'est un héritage du discours théologique en fait qu'on trouvait avant la Révolution, on va dire, qui est voilà la responsabilité morale en réalité de celui qui vaccine et là aussi ça fait partie des arguments qui sont toujours présents aujourd'hui qu'on a habitude à présenter sous une forme statistique et la balance bénéfice-risque. Voilà. Alors à l'époque de Pasteur, en réalité l'exploit accompli auprès de Meister emporte le morceau, si je puis dire. Hein. Il y a des tas d'expériences qui sont faites sans qu'on s'inquiète vraiment trop de... Ce serait inacceptable aujourd'hui, hein, il faut bien dire ça. C'est-à-dire que déontologiquement, on ne pourrait pas faire ce qui a été fait à la fin du 19e. Donc, au cours du 20e siècle, justement, au cours de la Première Guerre mondiale, et puis de l'entre-deux-guerres, on va voir véritablement apparaître une éthique médicale qui va réglementer tout ça. Alors, à l'époque où brille Pasteur, un certain docteur Hubert Boins fonde la Ligue universelle des anti-vaccinateurs. Son discours y jouit alors d'une grande popularité. Je suis allé à la rencontre de Patrick Zilbermann, qui est professeur émérite en histoire de la santé à l'école des hautes études en santé publique, à Rennes et Paris. Il nous explique que l'influence qu'a eu Boins et pourquoi son discours anti-vaccin expose des arguments qui ont encore de l'influence aujourd'hui. Boins est né en 1825 à Charleroi et il mourra en 1898. Il est donc docteur en médecine. Il est médecin principal de la prison de Charleroi après avoir été médecin des chemins de fer de l'État belge. Donc c'est un anti-vaccin, si vous voulez, qui a des responsabilités éminentes dans la médecine du travail des pouvoirs publics belges, quoi. C'est quand même à noter. Quoi. C'est ce qui fait que finalement son discours a un tel écho. C'est ce qui fait que son discours a un tel écho. Le deuxième élément, c'est qu'il publie au moins deux importants traités d'hygiène. Un traité d'hygiène populaire en 1885 et l'autre qui s'appelle L'art de vivre et qui est un traité d'hygiène à destination des gens du monde, comme on disait. Et qui est de 1893, et qu'il est aussi un des spécialistes des liens entre allopathie et homéopathie. Donc il a, si vous voulez, prétendument un background scientifique, si vous voulez, qui lui permet d'avoir effectivement une parole qui peut, dans certains cercles, avoir une certaine autorité. Vous êtes venu avec un texte qu'on va lire tout à l'heure. Il y a eu trois grandes rencontres finalement qui ont marqué la mise en place du discours anti-vaccin promu par Boins. Quelles sont ces trois rencontres-là et pourquoi finalement à Cologne, et puis vous allez me dire un petit peu où ces rencontres se sont passées, pourquoi ces rencontres-là ont finalement eu une importance déterminante dans la mise en place du discours anti-vaccin? Alors, la Ligue internationale, ou également appelée Ligue universelle des anti-vaccins, des anti-vaccinateurs, comme on disait de manière plus correcte à cette époque, était composée de médecins anglais, belges, allemands, français et suisses. Le premier congrès est à Paris, le deuxième à Cologne, et puis il y aura effectivement des congrès ultérieurs. Le congrès de Paris était vraiment un congrès, j'appellerais pas ça un congrès fondateur, c'est des gens qui se sont retrouvés, qui se sont dit tiens, ça serait bien si on faisait quelque chose. Ça n'a pas été au-delà. Le véritable congrès fondateur, c'est vraiment celui de Cologne, celui de 1881. Et quand on parlait du contexte, c'est-à-dire d'une part Pasteur passant la vitesse supérieure pour convaincre ses contemporains des bienfaits de ses procédés, et puis l'épidémie de variole extrêmement grave, donc des années 1870-1875, Bon, on comprend, si vous voulez, que ces congrès, celui de Paris et celui de Cologne, interviennent dans une époque où les débats sont chauds, quoi. Voilà, sont très, très virulents, si je puis dire. D'abord, il commence son discours en disant « Vous, les antivaccinateurs, avez un devoir, une tâche, c'est de lutter contre les lois instituant la vaccination obligatoire. » Pourquoi en 1881 ? Parce que en 1871, il y a la loi britannique, anglaise, si vous voulez, qui renforce les sanctions très dures contre les parents qui ne font pas vacciner leurs enfants contre la variole. Ça, c'est un premier point. Et en 1874, il y a une loi allemande, donc de vaccination, alors qui impose la vaccination des enfants et la revaccination à l'âge de 12 ans, et qui, en plus, met en place ce qui existait déjà en Prusse, si vous voulez, avant donc la formation de l'Empire, des subventions et des aides et des encouragements financiers à la vaccination. Donc c'est moins répressif que chez les Britanniques, si vous voulez, mais ça va dans le même sens, ça va dans le sens de la vaccination obligatoire, ce qui est une des cibles, une des deux cibles, avec le pasteurisme, des anti-vaccinateurs. Alors si on se plonge un petit peu dans le texte et qu'on le cite, Boens, qu'est-ce que vous pourriez, voilà, quel passage vous pourriez choisir et qui vous semble particulièrement emblématique? Alors, je ne vais pas vous lire le passage où il pose les lois anglaises et allemandes comme des cibles, mais plutôt ce qu'il dit des vaccins. Voilà, et vous avez devant vous Jenner et ses disciples, Pasteur et ses partisans. Donc, ok, c'est Jenner, Pasteur. C'est très clair. Les ennemis sont désignés. Pour peu qu'il vous plaise d'aller au fond des choses, vous n'aurez pas de peine à ruiner leurs fausses doctrines et à renverser l'échafaudage de leurs statistiques insoutenables. Atténués ou purs, les vaccins de Jenner et ceux de Pasteur sont bien des produits d'une maladie spontanée et provoquée, locale ou générale. Inoculer un vaccin, c'est donc inoculer une maladie. Et selon les inoculateurs, il faudrait infliger à tout le monde, sans exception, certaines affections à un degré plus ou moins violent pour arriver à en préserver quelques individus qui auraient pu les contracter. Ça aussi, c'est un des fondamentaux. C'est l'idée que les vaccinateurs veulent vacciner la planète entière pour sauver une dizaine d'individus. Donc c'est faire prendre un risque à des tas de gens qui n'ont pas besoin de ce vaccin. Tout ça, ça n'a pas bougé jusqu'à aujourd'hui. On retrouve ça aussi dans les textes actuellement. Voilà pour ce reportage avec Patrick Zilbermann sur le docteur Hubert Boens. Alors une réaction éventuellement à ce reportage, François Salvadori? Écoutez, oui, c'est saisissant de voir la permanence des arguments. La date aussi, j'ai entendu 1880, ça m'a un peu interpellée, parce que 1880 en France, c'est le rejet de la loi Liouville qui a failli imposer la première obligation en France et qui a été rejetée. Et finalement, elle n'a été adoptée en France qu'en 1902. Et en fait, elle n'a été vraiment appliquée qu'après la Seconde Guerre mondiale. Donc, dans les années 50. Très, très tardivement en France. Laurent-Henri Vigneault est quelque chose d'important, et on le voit, l'importance et l'influence des anti-vaccinateurs, elle vient du fait qu'ils arrivent très facilement à se constituer en ligue. Quelles sont les grandes forces, finalement, de ces ligues à l'époque du 19e siècle, à cette époque où le vaccin se met en place? Dans ce qui a été dit par notre collègue Zilbermann, il y a deux choses importantes. C'est d'une part le fait que la structuration du mouvement anti-vaccin se fasse en même temps que l'instauration de l'obligation vaccinale. Donc le premier pays qui établit une grande loi, c'est, comme il a été dit, la Grande-Bretagne en 1853. Et cette loi est renforcée en 1871. Et d'autre part, le fait que le mouvement s'internationalise très vite, parce que en fait la vaccination, alors à cette époque, il faut savoir, on l'a dit tout à l'heure, hein, le vaccin contre la rage, c'est le deuxième vaccin au monde. Hein, c'est-à-dire que jusqu'à 1885, on ne connaît comme vaccin unique que le vaccin antivariolique. Et donc cette vaccine dont on a parlé, elle est diffusée dans le monde entier. Donc très vite, dans un premier temps, les anti-vaccins veulent mener un combat national, en disant d'ailleurs la plupart du temps que la vaccine est une invention du voisin. Et puis très vite, ils s'aperçoivent qu'ils ont tout intérêt à rassembler des données pour pouvoir donner des exemples d'accidents partout sur la planète et se structurer en ligue, alors d'abord nationale en effet, donc les Anglais sont les premiers, et ensuite en ligue internationale, et là on retrouve Boens puisque lui, il est belge et il essaye de structurer les Européens continentaux, si on peut dire, à l'exemple de ce qui se passe en Angleterre, pour contrecarrer les lois qui sont en train de se mettre en place les unes après les autres. Et mettre sur pied finalement une espèce d'international anti-vacciniste. C'est ça, absolument. Ce qui est fascinant par rapport à la situation actuelle, hein, puisque une question que les journalistes nous posent souvent, c'est de savoir si c'est l'Internet et la mondialisation des connaissances qui ont entraîné cette circulation des arguments anti-vax. En réalité, on voit que dès le 19e siècle, il y a cette volonté de produire un discours valable dans tous les pays. Et ils sont très efficaces, puisque au moindre accident, voilà, ils le recensent et ils le mettent en avant. Exactement. Sur la place publique. Oui. François Salvadori, est-ce qu'on a une idée, à la fin du 19e siècle, de l'efficacité des vaccins, de ces deux vaccins qui sont mis en place contre la variole et contre la rage? C'est assez difficile de connaître des vrais chiffres, très très difficile. Ce qu'on sait, c'est que c'est le risque de ces pratiques. La variole elle-même tuait une fois sur cinq. La variolisation tuait une fois sur 50. Et on pense que la vaccination de génère tuait à peu près une fois sur 1000. Oui, peut-être plus. À peu près. À 16h33 dans la méthode scientifique sur France Culture, nous parlons aujourd'hui d'histoire des anti-vaccins. Et après avoir écouté le morceau Médecine de Tindersticks, on poursuit notre histoire donc des anti-vaccins du 18e siècle à nos jours avec Françoise Salvadori et Laurent Rivignaud. Alors Françoise Salvadori, on est au mi-temps de notre émission, on est aussi au tournant du 19e et du 20e siècle. C'est un tournant historique dans l'histoire de la médecine, dans l'histoire des sciences, l'apparition et la naissance de l'immunologie. Alors est-ce que la naissance de l'immunologie ancre d'une certaine façon le discours des pro-vaccins, ou bien au contraire, est-ce que ça renforce les anti-vaccins dans leurs attaques contre la vaccination? Je ne pense pas que ce soit un moment d'ancrage absolu, parce que il y a eu encore pendant longtemps, même après la naissance de l'immunologie, qu'on peut dater en effet à partir du moment où on a découvert les anticorps en Allemagne d'abord, en 1890, puis le phénomène de la phagocytose en France, au jeune Institut Pasteur, où Metchnikoff était une sorte de post-doc invité par Pasteur. Suite à ça, pendant longtemps, les gens qui faisaient des vaccins sont restés empiriques et ont assez longtemps après parlé avec les immunologistes. Ce sont encore deux sciences qui se parlent, mais sans doute pas assez. passé, et sans doute aujourd'hui encore pas assez. On en reparlera plus tard. Alors, on évoquait avant la pause musicale le cas emblématique de Louis Pasteur comme héros de la vaccination, mais aussi comme ennemi public numéro un pour les anti-vaccins. On fait un petit saut dans le temps. Les héritiers de Pasteur y poursuivent son entreprise et y mettent au point d'autres vaccins, comme par exemple le BCG contre la tuberculose en 1921, le vaccin contre la diphtérie et le tétanos en 1923-1924. Alors, Laurent-Henri Vigneault, la première moitié du XXe siècle, elle est marquée, comme on le sait, par deux grands conflits mondiaux. Pourquoi est-ce que cette période elle est si importante dans l'histoire de la vaccination et comment, en parallèle, évolue le discours anti-vaccinal ? Alors, vous l'avez dit, après des débuts très lents, finalement, au cours des années 20, 30, plusieurs vaccins sont inventés contre des maladies importantes. Parce que tout à l'heure, par exemple, on citait le cas de la rage, dont on pense que la mortalité était très faible en France avant l'invention du vaccin. Donc, c'est confidentiel, en fait, comme traitement. Par contre, à partir de la Première Guerre mondiale, lorsque sont mis en place les premiers vaccins anti-typhoïdes, par exemple, plus tard anti-diphtérique ou anti-tétanos, là, on est avec des choses un peu plus importantes en termes de prophylaxie. Alors ça entraîne une réaction des antivax qui est une sorte de repli vers une logique mystico-naturaliste. Donc ils abandonnent temporairement un peu l'aspect scientiste. Voilà, ils abandonnent un peu temporairement le côté scientifique pour reprocher finalement. Là, on a un cas très très intéressant dans le livre qui est le cas du docteur Carton, Paul Carton, qui d'un côté ne croit pas vraiment que les maladies puissent être provoquées par les c'est un adepte du terrain, c'est ce qu'on appellerait aujourd'hui une médecine holistique. Et il ne croit pas vraiment que les micro-organismes sont à l'origine des maladies. Et en même temps, il reproche à la pratique vaccinale de guérir trop vite, de guérir à bon compte. On ne réforme pas son comportement, on ne réforme pas son mode de vie. Et par conséquent, la médecine vous donne un blanc-seing pour continuer à mal manger. Donc ce discours-là, très moralisant en réalité, et le contexte de ce début de XXe siècle, c'est celui, à contrario, des grandes guerres dans lesquelles les États n'hésitent pas à vacciner à tour de bras, y compris les soldats avec vaccins qui ne marchent pas. En priorité, oui, bien sûr. Il y a un cas célèbre, justement, c'est le vaccin anti-typhoïde dont j'ai parlé, qui au départ a une formule très, très mal équilibrée, qui produit beaucoup d'effets secondaires, de vomissements. Donc on a des cas de rébellion, de mutinerie sur des navires, de soldats qui refusent de se faire vacciner en disant on a déjà à subir le mal de mer, on va pas en plus subir le... Voilà. Donc il y a tout ce débat autour de... Il y a aussi ce cas de vaccination des tirailleurs pendant la Première Guerre mondiale contre la pneumonie avec un vaccin totalement inefficace, mais l'armée, comme elle a acheté les stocks, finalement décide de continuer à vacciner les soldats. Oui, c'est le cas un peu sinistre de Kerandel. Ceci se situe en octobre 1916. On est derrière la dune du Pila où un grand camp pour les tirailleurs sénégalais, les troupes coloniales ont été installées et il y a une épidémie de pneumonie. Alors on n'a pas de vaccin contre la pneumonie. Et un médecin, donc le Carandel, dit en avoir découvert un. Donc il se met en contact avec l'Institut Pasteur, il fabrique son vaccin en 3 mois. Quand on connaît aujourd'hui les procédures pour mettre un vaccin. Voilà, le vaccin est produit en 3 mois, on l'essaye et il ne sert à rien. Il ne donne aucun résultat sur l'épidémie se poursuit. Et malgré tout, on continue la vaccination parce que il faut épuiser le stock. Et ça, on voit bien que pendant les guerres, les mêmes événements de ce type, par exemple des contaminations accidentelles, il y a un cas pendant la Seconde Guerre mondiale avec un vaccin contre la fièvre jaune qui contamine au virus de l'hépatite B. Un même exemple comme ça, en période de paix, ça ferait un énorme scandale. Ouais. Mais pendant la guerre... Période d'effort de guerre, il y a une espèce de solidarité. C'est nationale ça. Qui passe avant tout. Alors ça, c'est très intéressant parce que à ce moment-là, est-ce que ça nourrit finalement le discours anti-vaccin ou est-ce que ce discours anti-vaccin, pendant les périodes de guerre, il passe un petit peu sous les radars? Paradoxe, c'est qu'en effet, il aurait toutes les raisons de protester. Ils auraient toutes les raisons de protester pour une fois à bon compte et ils ne le font pas ou plutôt ils ne peuvent pas le faire parce que en réalité, ils passent pour des mauvais patriotes. On le voit notamment dans l'anti-vaccinisme anglais. Il s'éteint pendant la Première Guerre mondiale et il reprend tout de suite au moment lorsque la paix est déclarée. François Salvadori, le début du XXe siècle, c'est aussi une période très importante puisque c'est la mise en place des premières politiques de santé internationales. Alors qu'est-ce que vous pouvez m'en dire de ces grandes politiques-là et quelles influences elles ont finalement ? Alors les vaccins développés à ce moment-là, en effet, vont très vite se répandre parce qu'ils ont une efficacité et qu'on arrive à l'avoir. Et ça, justement, mais l'OMS n'est créée qu'en 1948, me semble-t-il. Mais c'est à ce moment-là qu'on va avoir une mondialisation à la fois de la vaccination, qui est mise en parallèle, qu'on peut mettre en parallèle de l'anti-vaccination dont on parlait avec l'internationalisation. Voilà, des ligues, oui. et des mouvements. Et ce qui est assez paradoxal, c'est de voir qu'en fait, on a une pratique globale actuellement, donc une sorte de circulation d'arguments, et aussi des peurs nationales. Oui. Alors, Laurent Rivigno, on arrive après la Seconde Guerre mondiale à une période un peu un tournant, finalement, en France, avec l'année 1951, qui marque... la première loi, finalement, la première vraie loi en matière de santé publique, avec l'obligation vaccinale pour le BCG, pour lutter contre la tuberculose. Alors, quels sont les effets de cette obligation-là et pourquoi, finalement, ça donne tout d'un coup du grain à moudre aux anti-vaccins et jusqu'à aujourd'hui, finalement? Alors, en réalité, là, ça s'est construit en plusieurs étapes. Il y a la première loi, qui est la loi de 1902. Ensuite, il y a des obligations pour le vaccin antidiphtérique et tétanos dans les années 30. Mais ces premières lois sont assez mal appliquées. La particularité de la loi de 1951, c'est qu'elle intervient dans un état d'après la Seconde Guerre mondiale en pleine reconstruction, qui certes est faible par certains côtés puisqu'il y a tout à refaire, mais qui en même temps est fort. C'est la pleine période scientiste, c'est la pleine période de confiance dans les progrès de la science. C'est aussi, comme il a été dit, une internationalisation, décidément le terme est difficile, de la médecine mondiale, donc avec la naissance de l'OMS. Et tout cela, d'une certaine façon, on peut dire, donne confiance aux vaccinateurs et leur donne raison aussi. Donc ça pousse en France, par exemple, jusqu'à proposer la vaccination obligatoire de ce fameux BCG, qui par ailleurs est un vaccin qui est contesté dès l'origine, qui est efficace mais dans certains cas et pas dans d'autres. Enfin, vous voyez, c'est typiquement le type de vaccin qui aujourd'hui peut-être on réfléchira deux fois avant de le proposer en obligation. Mais par contre, là, on est dans une période d'optimisme de ce point de vue-là, vraiment un optimisme technologique, on peut dire. Et c'est à ce moment-là en France qu'est créée la Ligue nationale contre l'obligation de la vaccination. Elle existe encore, d'ailleurs, aujourd'hui sous le nom différent de Ligue nationale pour la liberté des vaccins. On appréciera la nuance. Alors, François Salvadori, quelle est l'influence de cette ligue-là à cette époque? Alors, cette ligue, elle est montée. Elle doit son existence à des gens assez particuliers qui sont assez liés. Alors, soit des parents d'enfants qui s'estiment victimes d'un BCG, par exemple, une vaccination, soit des gens qui sont très marqués comme naturalistes plutôt, écologistes assez militants et on pourrait même dire radicaux, dont le fondateur de la Vie Claire, Monsieur Geffroy, et Monsieur Le Maire qui l'accompagne. En fait, ils sont nourris de lectures aussi de Paul Carton, des lectures aussi d'Alexis Carrel, de textes qui sont à la fois naturistes. C'est le moment où l'écologie est plutôt, très très fondamentaliste et reposant sur une sacralisation de la nature. On retrouve les mêmes arguments qu'on a déjà développés. Et finalement, ils sont contre la vaccination, mais assez vite, ils vont mettre en avant la liberté. Oui, ça c'est quelque chose, c'est un argument qui court depuis le 19e siècle et qui est, c'est quelque chose de très complexe dans un État libéral qui repose sur la liberté du citoyen d'imposer et de prendre possession d'une certaine façon du corps du citoyen, Laurent Rivigno. Oui, ça a posé problème notamment dans l'Angleterre qui est quand même un des premiers pays à imposer l'obligation vaccinale et qui pourtant est aussi un pays de tradition libérale. C'est le pays de l'habeas corpus. Alors comment peut-on dire dans un cas que le tas ne peut pas prendre corps du citoyen en matière judiciaire sans le justifier et de l'autre côté expliquer que l'État au contraire peut vous imposer d'effectuer un geste aussi intime que le geste de vaccination. Donc c'est ça qui est vraiment en jeu et comme vous le disiez depuis cette époque-là, mais depuis toujours, mais depuis cette époque-là en particulier, les lois d'obligation, en tout cas la question de politique en fait, la politisation du débat sur le vaccin est un argument très fort pour les antivax parce que ça leur permet d'élargir leur audience. Voilà. Ils deviennent audibles à un plus large public quand ils expliquent, quand ils posent cette question très simple à laquelle il n'est pas facile de répondre. Est-ce que l'État a le droit de vous forcer à vous soigner, à introduire quelque chose dans votre corps, etc. Quand on parle d'élargir l'audience et quand on parle de militantisme anti-vaccin, à quoi ressemblent finalement ces campagnes militantes anti-vaccin dans les années 50 par rapport à ces campagnes du 19e siècle qui reposaient sur des images un peu farfelues? Les arguments en fait sont toujours un peu les mêmes, c'est-à-dire comme on est dans le raisonnement statistique balance bénéfice risque, les anti-vaccins, et c'est encore aujourd'hui le cas sur les réseaux sociaux, ils vont essayer de démontrer de manière systématique que le bénéfice n'est pas si important qu'on le dit, et donc en fait sans le vaccin la maladie n'est pas si grave. Et de la même manière, ils vont essayer de montrer que les risques, par contre, des vaccins sont beaucoup plus forts qu'on le dit aussi. Donc c'est là-dessus essentiellement qu'ils jouent, et donc en développant ensuite des discours qui sont aussi autour de... Enfin, c'est la naissance, enfin ça a commencé un peu à l'époque Pasteur, mais de naissance d'associations entre la complicité de l'État avec l'industrie pharmaceutique. On cherche à nous faire acheter des boîtes. Hein, voilà, c'est ça. Voilà. Alors, cette notion d'industrie pharmaceutique et de Big Pharma, ça intervient dans un contexte autre. Alors ça, c'est le contexte de la décolonisation, où d'un coup, les pays qui se retrouvent indépendants du colon veulent développer leur propre vaccin. Et paradoxalement, c'est ce qui donne naissance à la Big Pharma, François Salvadori. Alors, Big Pharma, c'est un terme qui est né en lui-même légèrement complotiste, parce que en fait, ce qui dépendait des États se déplace vers l'industrie pharmaceutique, et cette collusion, elle est de toute façon ressentie, même si elle est pas démontrable. En fait, très peu, plus aucun pays actuellement ne possède sa propre fabrication étatique de vaccins. Et la plupart, 90% des vaccins sont fabriqués par 4 boîtes pharmaceutiques dans le monde actuellement. Donc ce resserrement à la fois fait peur aux citoyens, mais en même temps est un gage de sécurité. Est aussi, malheureusement, parfois comme conséquence des pénuries qui sont difficilement acceptables. Si ses parents se mobilisent, c'est pour réaffirmer leur droit de dire non au vaccin. Tous ceux présents ce soir ont choisi de ne pas faire vacciner leurs enfants, car ils ont peur pour leur santé. Qu'est-ce qui leur donne le droit de nous dire qu'on doit injecter du poison à nos enfants? Ils n'en ont pas le droit. Ils n'ont pas choisi de les porter, ces bébés. Ce n'est pas eux qui ont choisi de leur donner la vie. Plus de 100 000 enfants de moins de 2 ans ne seraient pas vaccinés aux États-Unis, dont beaucoup dans les États de Washington et d'Oregon, aux lois plus souples. Un simple papier à remplir et vous voilà dispensé de toute vaccination. Et pour Claire, qui passe une bonne partie de son temps à consulter des études très controversées sur les vaccins, c'est une question de liberté. Pour moi, c'est vraiment une affaire de droit de l'homme. À quel moment perd-on notre droit de choisir ce qu'on doit faire en tant qu'être humain? Une liberté qui a un coût. L'État de Washington a déclaré un état d'urgence sanitaire pour cause d'épidémie de rougeole. Dans sa consultation de pédiatrie, le docteur Reynolds doit répondre à de nombreuses questions sur les vaccins, car la désinformation gagne du terrain. Juste avant sa grossesse, ma femme a lu beaucoup de témoignages disant que l'autisme était causé par les vaccins. Les vaccins provoqueraient l'autisme, la théorie a été réfutée, son auteur convaincu de fraude a été rayé de l'ordre des médecins. Mais la croyance reste tenace et le nombre de jeunes enfants non vaccinés a quadruplé depuis 2001. Ce qui met en danger la communauté. Voilà, beaucoup de choses dans cet extrait du journal de la chaîne Arte le 4 mars 2019, c'était il y a très peu de temps. On est aux États-Unis, on entend parler de poison, d'autisme causé par le vaccin contre la rougeole, de prise d'informations sur Internet. Alors, une réaction à cet archive, François Salvadori? Tout est là, c'est absolument incroyable, c'est caricatural. Mais voilà, c'est une crainte réelle. La première dame était presque en pleurs. Donc cette revendication, elle est pas feinte, elle est réelle. Donc on est bien obligé de la prendre en compte. Et de pas, elle existe. Ce qui est très étonnant, c'est que ces gens sont capables d'avoir accès à l'information, sans doute d'en comprendre une grande partie, mais la nient. Donc c'est très difficile finalement de contrer ça, parce qu'on peut leur montrer des dizaines d'études, à la fois qui comprennent, enfin maintenant les immunologistes comprennent très bien la base de la vaccination, ça fait quand même plus de 50 ans que c'est connu. On comprend aussi depuis une dizaine d'années comment fonctionnent les adjuvants au point de vue moléculaire. On a des centaines d'études épidémiologiques, de cohortes, de centaines de milliers de personnes vaccinées. À chaque fois, la balance bénéfice-risque est actuellement en immense avantage des bénéfices. Et pourtant. Laurent-Henri Vigneault, une réaction à l'archive qu'on vient d'entendre? On a entendu en effet les principaux arguments dont on a parlé au cours de l'émission. Le vaccin poison, le vaccin qui pose un problème d'un point de vue politique, et puis les effets aussi de cette médecine, que je ne sais pas comment l'appeler, parallèle, alternative, qui, alors dans le cas de Wakefield, c'est un petit peu particulier. Alors Wakefield, voilà, on va rappeler un petit peu qui c'est. Donc Wakefield est un médecin anglais, gastro-entérologue, qui a fait une étude à la fin des années 90. Qui est paru quand même dans The Lancet, qui est l'une des revues scientifiques les plus prestigieuses. Donc effectivement, qui a produit donc une étude qui avait toutes les apparences, en réalité, de la science sévère ou de la science sérieuse. Bon. Et lui-même avait une position institutionnelle tout à fait respectable. Il se trouve que cette étude tendait à montrer un lien possible entre la vaccination contre la rougeole, les oreillons et la rubéole et l'autisme. Comme dans n'importe quelle étude scientifique un peu surprenante, elle a été vérifiée, on a essayé de la reproduire, et ça a donné des résultats négatifs. Notamment une méta-analyse parue au début du mois qui... sans clore définitivement le débat. Mais il y a plus grave, parce qu'en réalité, quand on est scientifique, on a le droit de se tromper. J'allais presque dire, on a le devoir de se tromper, parce que c'est la méthode scientifique qui est construite là-dessus, sur le doute méthodique, et puis sur les essais. Mais dans le cas de Wakefield, c'est une fraude, en réalité. Parce que une enquête journalistique a montré qu'il était au service de lui-même avait breveté un procédé permettant une sorte de substitut au vaccin, et il était au service de familles qui portaient plainte contre l'industrie pharmaceutique pour empoisonnement vaccinal. Et l'article a été retiré, ce qui est très rare. Et Andrew Wakefield radié de l'ordre des médecins. Absolument. Donc voilà. Mais alors, aux yeux du grand public, ça n'a aucune conséquence, parce qu'en réalité, ce qu'on entend, c'est qu'un médecin a prouvé un jour qu'il y avait un lien, et la deuxième information comme quoi il a été radié, c'est la preuve qu'il y a un complot. Mmh. Hein, donc vous voyez, c'est inextricable. Hein, et on le rappelait, et je le rappelais en début d'émission, ça a quand même des conséquences un petit peu sur les mentalités, puisqu'on assiste en ce moment à une recrudescence de cas de rougeole, notamment en France. L'UNICEF pointe même du doigt la France comme l'un des 10 pays à l'origine des 3/4 de l'augmentation des cas de rougeole entre 2017 et 2018. Alors là encore, les antivaccins sont-ils à incriminer, ou bien est-ce qu'il y a une espèce d'irresponsabilité collective, François Salvadori? Alors en fait, les chiffres sont pas exactement ceux-ci. Ce que l'OMS pointe, c'est que la France a des cas de rougeole, mais pas au point de... Enfin, c'est quand même une goutte d'eau dans le nombre de cas mondial, qui est surtout dans les pays en voie de développement, dans les pays pauvres. Mais le nombre de cas a doublé en France entre 2017 et 2018. Donc on fait partie des pays qui ont eu le plus de décuplement du nombre de cas entre 2017 et 2018, donc une recrudescence. Et en fait, en France, il y a eu 3000 cas en 2018 et 3 décès. Voilà, donc ce qui est pour un pays comme la France n'est pas acceptable. Oui. Voilà. Est-ce que ça signifie cette recrudescence des cas de rougeole, alors toute relative quand même, comme vous le disiez, mais ça reste quand même des chiffres importants à l'échelle de ce qu'on pourrait faire grâce au vaccin. Est-ce que ça veut dire que les discours anti-vaccin sont tellement ancrés aujourd'hui dans les esprits que on ne se fait plus vacciner parce que par refus, ou bien est-ce qu'il y a une espèce de passivité, de relativisation de la gravité de cette maladie? Je pense que pour la rougeole, c'est exactement cela. C'est une passivité. Les parents vraiment militants ne s'opposent pas spécialement à ce vaccin-là, parce que l'autisme n'a pas énormément pris en France. L'argument de l'autisme n'a pas énormément pris en France. En France, ce qui a pris, c'est surtout l'adjuvant. Et il n'y a pas d'adjuvant dans ce vaccin. Donc cet argument-là, même s'il est brandi parfois, il ne tient pas la route une seconde. En France, la rougeole est considérée comme une maladie bénigne, actuellement, en 2019. Et elle est même parfois considérée, les parents un peu plus militants disent que c'est une maladie qui fait grandir. Donc c'est une sorte de parcours initiatique qui doit passer par la rougeole. On y est tous passés, on en a survécu, ça fait grandir la famille, ça réunit la famille, ça ressoude tout le monde. Et cet argument-là, on l'entend souvent. Et finalement, on a en France des petites communautés assez radicales qui ont été identifiées par une géographe en particulier, Lucie Guimier, qui a beaucoup travaillé là-dessus, qui sont souvent autour de foyers religieux assez radicaux, ou de communautés, je ne sais pas si on peut les appeler religieux, mais des écoles Steiner, New Age, écoles Steiner, l'anthroposophie. Mm-hmm. Pour les anthroposophes, la maladie, c'est une sorte de développement du karma, une étape importante, et donc il faut respecter la maladie. Et on n'est pas tellement loin des théories de monsieur Verdet de Lille au 19e siècle. Où la fatalité faisait office de remède. Fatalité, et non seulement la vaccination est un mal, mais finalement elle empêche la maladie qui est un bien. Laurent Rivigneau, alors on va avancer un petit peu parce que le temps file. On n'a pas parlé d'un problème inextricable, c'est les politiques obligatoires, les politiques d'obligation vaccinale. Est-ce que ces politiques-là jouent toujours un rôle efficace ou bien est-ce qu'elles ont toujours un effet nocif sur la vaccination ? On voit qu'il y a un effet mobilisateur. Ça, c'est évident pour qui étudie le phénomène anti-vax. On peut suivre une courbe avec les lois d'obligation et on pourrait avoir la courbe de l'activité des anti-vax, si c'était possible de la constituer, qui serait parallèle, en fait. Maintenant, la question de l'obligation, c'est une question effectivement politiquement complexe, puisque on disait tout à l'heure, ça pose des problèmes éthiques. L'État, s'il nous demande de nous vacciner par obligation, il faut qu'il s'engage aussi à ce que les vaccins soient sûrs, à ce que, en cas d'accident, les personnes soient indemnisées. Donc, il y a notamment une grande loi qui a été établie en 1986 aux États-Unis, qui est une loi pratiquement modèle, hein, où en fait, on a déterminé quelles étaient les circonstances dans lesquelles il pouvait y avoir une indemnisation. Et cette indemnisation, elle est systématique en cas d'effet secondaire reconnu. Voilà. Il y a des choses du point de vue du droit. On peut construire des choses tout à fait efficaces. Maintenant, il reste que ça paraît assez choquant, comme une précédente ministre de la Santé l'a dit, de vouloir rétablir la confiance dans les vaccins par la contrainte. On s'attendrait à ce que cette question elle soit résolue par un débat démocratique et non par la contrainte. C'est-à-dire que l'État, il se transforme un peu en policier de la médecine, de la santé dans ce cas-là. Et c'est assez choquant par rapport à nos modes de fonctionnement actuels. Si j'ai une minute, je peux vous parler d'une étude très intéressante qui n'est pas dans le livre, malheureusement, parce qu'on a eu connaissance après, qui est une étude de psychologie publiée en 2017 qui indique un peu le profil type des antivax. Et on a fait réagir, donc c'est une étude de valeurs. On a fait réagir les antivaccins sur des couples de valeurs, pureté, impureté, soins ou nuisances, et respect de l'autorité ou rébellion. Et en fait, on s'aperçoit que le profil type anti-vaccin, il est très sensible à la question de la pollution, très peu sensible à la question du soin d'autrui, et très préoccupé par la question de sa nuisance propre, et très marqué par un anti-étatisme, par une position un peu rebelle. Mais aujourd'hui, si vous regardez notre génération et notre époque, qui dans le monde n'est pas préoccupé de pollution, n'est pas fondamentalement égoïste, caché derrière son écran de portable dans le métro, et qui ne se présente pas comme rebelle. Si vous êtes quelqu'un qui déclarait obéir à l'État, vous passez pour un pignouf, quoi. Bon, donc vous voyez, ça décrit une époque, et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui cet anti-vaccinisme de l'atomisme contemporain, il est très très fort. Merci beaucoup Laurent Rivigneau, merci à vous François Salvadori. Je rappelle que votre livre Antivax, la résistance au vaccin du 18e siècle à nos jours est en vente dans toutes les librairies et qu'il est vraiment éclairant sur cette question épineuse. Merci à toute l'équipe de la méthode scientifique, Noémie Naguet de Saint-Vulfranc, Eve Etienne, Céline Lozen et Léonore Pérez, à la réalisation Olivier Bétard, à la technique aujourd'hui Élise Leu. Demain, vendredi, Nicolas Martin étant malade, nous sommes contraints de reporter le grand entretien que nous vous avions annoncé tout au long de la semaine, mais patience, on remet ça très vite. On rediffusera à la place l'émission que nous avions réalisée avec Yann Lequin, spécialiste du deep learning, qui vient tout juste de recevoir le prestigieux prix Turing.